ont suivi là m'ont inspiré un raisonnement, ils m'ont inspiré dans leur développement. D'abord, je voudrais dire que le phénomène de la drogue est grave, d'autant plus que ce phénomène-là a investi nos écoles publiques. C'est-à-dire que c'est quand même grave. C'est-à-dire que quand on va jusqu'à investir l'école publique, et que l'école publique est devenue le lieu où on vend la drogue. C'est devenu un marché ouvert où on vend la drogue. Et on connaît les vendeurs. On les connaît. C'est-à-dire les gars qui viennent vendre la drogue dans les écoles et ceux. Et ceux, n'est-ce pas, qui le circuit interne dans lequel vous avez des élèves. Des élèves qui sont des élèves, mais qui sont des vendeurs de drogue. Ils sont connus. Ils sont connus. Mais on ne les touche pas. Vous voyez à quel niveau on est en train d'arriver. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais avec Bertrand, je parlais de une narco-ville. Ce n'est pas seulement un narco-état, une narco-ville. C'est-à-dire que vous voyez comment on peut cartéliser une ville comme Douala. Le processus, contrairement à ce qu'on imagine, est avancé. Douala. Bon, ça m'amène à tout à l'heure, Charlie Kenya a posé le problème de l'enjeu politique. Je voudrais faire une politologie de cette situation. C'est extrêmement important. Vous savez, ce n'est pas une première. Hein. Il y a des antécédents au Cameroun où l'insécurité est une arme politique. Il fut une époque à Yaoundé, je crois que c'était sous... Je ne sais pas qui était délégué à la Sécurité nationale. Ça devait être René Bell. René Bell, c'est l'ancien gouverneur qui était gouverneur. Et je crois qu'il avait eu ce poste-là. Et à Yaoundé, il y a eu l'insécurité à un niveau, mon cher Junior, où les diplomates étaient les cibles des acteurs de l'insécurité. Vous vous rendez compte? Et des diplomates en plein capital de culture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et vous savez ce qui s'est passé? J'ai eu des renseignements de cette affaire, je me suis renseigné, j'ai eu quelques informations. Quelqu'un m'a dit qu'il était introduit, il me dit, présent, tu sais, on avait interrogé quelqu'un de très haut placé, je dis bien très haut placé, et il a dit, on est en train de combattre le président. Et comme par hasard, dès qu'on a changé le délégué à l'époque-là, on l'a changé, on l'a remplacé par quelqu'un, je veux citer le nom, parce qu'il est même plus vivant, Pierre Milo Medio, à l'époque, le phénomène s'est arrêté. Il a connu une atténuation, ça s'est déporté dans la ville de Douala. Et c'est ça qui va aboutir au commandement opérationnel. Charlie, comprends tout à l'heure, tu as dit une chose pertinente, la question de l'homme. Quand le président donc, décide d'instaurer le commandement opérationnel, on a transformé ça en question de droit de l'homme. Et je veux vous dire, à l'époque, moi j'étais parmi les gens qui ont lutté contre le commandement opérationnel. Mais je faisais la part des choses. Mais à côté, il y avait toute une dynamique visant à faire de ça quelque chose de droit de l'homme. Et on l'avait utilisé à l'époque, père à son âme, il ne vit plus le cardinal Toumi. C'est-à-dire qu'il avait amplifié l'affaire de l'homme et l'affaire est arrivée jusqu'à l'ONU. Jusqu'à l'ONU. Donc, quand on parle de déstabilisation, ce n'est pas un jeu. Le Cameroun a déjà connu ça. C'est-à-dire à partir de la question de l'insécurité. Donc, quand, à partir de ce précédent, regardez la situation où nous sommes. Toutes les informations que nous avons eues des hommes de troupes, hein, les troupes, les éléments des troupes, je ne parle pas des officiers supérieurs, les éléments de troupes, tout ce qu'ils nous disent et que nous avons pu vérifier, c'est que, mais, il y a un problème. C'est-à-dire que tout ce qu'on envoie là-bas, au bout de 3 mois, 4 mois, ont 2 ou 3 immeubles qui sont en train de construire. Je parle du Nozo. Mais comment vous envoie dans le Nozo et vous êtes très riche comme ça et ça fait donc que, mais quand on remonte la chambre, on voit que, mais attendez, il y a un problème. C'est-à-dire que c'est devenu un lieu où les gens veulent s'enrichir. Les gens vont au Nozo pour s'enrichir. Est-ce que vous dites là, c'est très grave? C'est arrivé, ouais, dernièrement, là, on vous a dit ouvertement que le président a déployé les forces spéciales dans le Nozo. C'est public, là, c'est connu, c'est pas un secret. Mais pourquoi? Comment on peut expliquer que dans cette région-là, dans ces deux régions, les ambazoniens, appelons-les comme ça, c'est comme ça qu'on les appelle, ont dépassé, c'est-à-dire tous les dispositifs de sécurité qu'il y a eu, ils ont pu, disons, les mettre en difficulté, parlons comme ça. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et quand on remonte la chaîne, ce que je vous dis là est clair, je vous dis, j'ai plus le temps de vérifier. Mais on se rend compte que, mais à la fin, ce n'est même pas les ambazoniens qui font perdurer le conflit. Ce sont les ambazoniens. C'est-à-dire que c'est des réseaux à Yaoundé qui veulent que la guerre dure pour que les gens s'enrichissent. Alors tu vas dans l'Ozo à moins de deux mois, tu es très riche. Et tu enrichis, c'est lui qui t'a nommé. Moi, je vous dis le sens de l'intérêt général du pays m'intéresse. Je ne veux même pas dire plus. Hein. Parce qu'il dit plus que ça, mais c'est très grave. Le droit du pouvoir de l'État m'oblige à ne pas aller loin, mais je vous dis ça. Alors, à l'heure actuelle, maintenant que les gens au niveau diplomatique, le président est en train d'obtenir des gains extraordinaires, et que la situation, forcément, dans le Nozo, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le choix, mais il est question pour ceux qui s'enrichissent dans l'affaire et qui se servent de ça pour déstabiliser, mais qu'on déplace la matrice de l'affaire. Est-ce qu'après le Nozo, ce n'est pas Douala qui est bien placé pour servir de matrice? On se déplace, on déplace la dynamique de la déstabilisation à Douala. Surtout qu'il y a déjà beaucoup d'infiltrés, les questions de sécurité, beaucoup qui ont quitté ces régions, on connaît l'insécurité qu'il y a à niveau de Bonabiri. Mais ils ont beaucoup, d'ailleurs, ça, ils ont pris le temps d'avertir, ils n'ont pas caché ces raisons, ont averti plusieurs fois dans les réseaux sociaux. Ils ont averti très bien qu'à chaque fois qu'ils vont prendre à Douala, ben, il ne faut pas comprendre ça au premier degré. C'est que les forces politiques qui ont intérêt à ce qu'une telle situation perdure ne peuvent pas supporter que si le Nozo est neutralisé, attends, qu'est-ce que les biens leur font le commerce? Il faut déplacer. Le fonds de commerce est perdu. Donc, ils ont depuis longtemps l'opinion préparée pour dire que Douala va être comme ça. Que c'est Douala, notre prochain cible, c'est Douala. Deuxièmement, vous savez très bien que notre pays, le Cameroun, connaît un blocage en termes gouvernementaux. Il y a un blocage. Le président a appelé ça l'inertie. C'est le président qui dit qu'il a appelé ça l'inertie. Du haut de sa fonction présidentielle, il vous dit l'inertie. C'est quoi l'inertie? C'est que le gouvernement est paralysé. C'est le président qui le dit. C'est que le gouvernement n'arrive pas à remplir ses missions, mais qui paralyse l'action gouvernementale. Qui paralyse? Ce sont ces réseaux qui se sont immensément enrichis. Aujourd'hui, quelle est leur hantise? Leur hantise principale, c'est que le président nettoie. C'est que le président nettoie. Ça, c'est leur hantise. Leur hantise, c'est que le président nettoie. Tout à l'heure, quand le président, le docteur Bassé, qui fait le lien avec l'étranger, c'est très sérieux. Si le président nettoie, mais l'étranger, la France et l'autre réseau France-Africain n'ont plus la même mise sur l'appareil gouvernemental. Qui permet, n'est-ce pas, cette initiative permet de paralyser l'action gouvernementale, mais de préparer la succession du président. En s'assurant que les réseaux historiques France-Africains, n'est-ce pas, reprennent le pouvoir pour le président. Alors quoi de mieux? C'est de bloquer l'appareil de l'État, c'est de le bloquer. Ça tourne en rond, et pourvu qu'ils soient aux affaires. Qui a peur d'un véritable ajournement gouvernemental au Cameroun? Qui a peur? C'est pas vous. C'est pas Charlie, c'est pas nous. Mais ce sont les forces-là qui se nourrissent de l'inertie. Ce sont elles qui ont intérêt, n'est-ce pas, à bloquer. Or, une des meilleures façons d'effrayer le président, pour qu'il ne remanie pas, c'est de faire ça. On appelle ça l'effrayer. Quand il sort dehors, on dit, ok, n'est pas tu penses que tu es en haut, tu t'avances, non? Ok, non, tu montes, tu vas les dames, non? Tu te bouges là, vois ce qui va arriver. C'est une technique bien connue, moi je sais de quoi je parle. C'est une technique bien connue. C'est-à-dire quand on veut effrayer le président, on lui sort une situation pareille. Et du coup, il va tergiverser, il va commencer à réfléchir. Et c'est le bon moment, ma chère consort. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les batailles de clans qui sont au sommet de l'État actuellement? Et le niveau que ça atteint? C'est-à-dire on ne cache même plus. C'est-à-dire, tout un gouvernement, un appareil gouvernemental, est réduit à des querelles entre les principaux pôles du gouvernement. Basé sur quoi? Ce n'est pas qu'ils sont en train de se battre parce qu'ils ont un même projet pour le pays ou bien ils sont en train de faire un travail. Non. Pour les intérêts personnels. Non, vous êtes gentils. À cause des milliards, c'est la bagarre des milliards volés. Les gars ne les cachent même pas. Toi, tu as volé. Si je ne fais rien, toi, tu auras plus d'argent comme moi, ma chère consort. On bloque l'appareil de l'État. C'est connu. C'est différent pour eux. C'est compliqué. On les connaît. Ngongo, le ministre Ngongo, Mbotazé, Laurent Esso, qui encore, fameux Ngongo. Tout un pôle là est clair. Et autour de ces différents pôles là, où se situe le blocage de l'action gouvernementale. Ce que le président appelle l'inertie. Alors, vous voyez très bien que l'insécurité, cette insécurité, or, c'est dans ces différents pôles-là que justement il y a les leviers de nomination. Quelqu'un vous a dit qu'au Cameroun, le président n'a même pas 5 ministres. Quelqu'un a dit, si on prend ça au sérieux, mais quelqu'un l'a dit ouvertement, et ce n'est pas le premier à le dire, que le président, bon, une fois qu'il a nommé quelques ministères de souveraineté, le reste, c'est les réseaux. Entre eux, là, débrouillez-vous. Vous voyez très bien que, comme je suis en train de vous dire, dans le NOSO, nous savons aujourd'hui qu'il y a des implications qui viennent de très haut dans l'appareil d'État, au niveau de la bourgeoisie anglophone, qui se sert de cette masse de chantage pour maintenir ses privilèges et même revendiquer le pouvoir suprême. Ils l'ont dit d'ailleurs, cache même pas, que pour calmer, il faut que l'anglophone arrive au pouvoir. Et ils ont de relais pour dire des bêtises comme ça. Ça veut dire que maintenant, chacun sait que, bon, ok, si on veut le pouvoir, on prend les armes dans le pays, le chantage. Mais il y a aussi des forces impliquées, des baronnies qui sont enrichies au cœur de l'État et qui, n'est-ce pas, se servent de ça dans le NOSO pour tenir le gouvernement, bloquer le gouvernement et dire que vraiment, ok, statu quo. Et quand tu as le statu quo, on parle de tout, sauf des ministres qui ont détenu le statu quo. On dit que tout, c'est le président. C'est le président, c'est lui. C'est lui qui nomme. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser le président. C'est lui qui nomme, certes, mais entre nous, quoi qu'on dise, est-ce que le président, c'est encore, quoi qu'on dise, l'avenir du Cameroun, à son âge? Est-ce qu'un homme sérieux peut penser que l'avenir du Cameroun, c'est le président Biya à son âge? C'est un parti qui a fait sa vie. Il réfléchit à qui laisser le pouvoir. Mais quand on réussit à faire croire que l'importance d'attaquer le président, qui a fini sa vie, alors que les forces qui sont là ont de l'âge, ils ont encore de l'avenir, ils veulent le pouvoir. D'ailleurs, il y a un qui vous dit qu'après le 70 ans, il est très jeune. Vous le connaissez, non? Il dit qu'il est très jeune. Il y a un qui vous dit ça. Il ne cache même pas. Il l'a dit en public. Non? Mais femme de Gaulle a dit, il a dit en plein débat que non, vous voyez, moi je suis encore très jeune. Je suis très jeune. Qui ont des enfants qu'ils ont placés dans l'appareil d'État. Ils le disent. Et qui sont en train de manœuvrer matin, midi, soir. Dans les semaines qui viennent, je viendrai. S'il y avait une information, je suis en train d'enquêter là-dessus. Comment ils commencent à vendre? Ils vendent le pays à des réseaux français. Ils vendent le pays pourquoi? Parce que chaque réseau donne des gages à la France, aux États-Unis, pour qu'ils soient en proposition. Pour la succession, non, pour la succession, le débat c'est ça, pour la succession du président. À leur niveau là, c'est le débat qui est sur la table, c'est pas autre chose. Le débat qui est sur la table des barons du régime, qui se sont enrichis, extrêmement par la corruption, le débat c'est la prébia. Ils disent, soit avec Franck, soit avec un autre. Si Franck Biya, le pauvre, si Franck Biya ne passe pas, et pourvu que ça soit toujours, nous qui soyons derrière. Parce que comment nous allons protéger les milliards qu'on a accumulés? Comment on va protéger nos intérêts si on ne contrôle pas? Voilà. Donc, dans une telle optique, c'est très logique, ce plan politique. Comme c'est comme ça, bloquons l'appareil d'État pour que ça tourne toujours entre nous. Ça tourne là autour de nous. Et on attend. Plus le vieux sera fatigué, peut-être un jour, on pourrait imposer un scénario à la Ben Ali. On s'entend que oui, le vieux, il est fatigué. On s'entend pas sur tout, mais sur l'essentiel là maintenant. Là. Il est tellement fatigué que si on ne fait rien, la fête peut nous échapper. Entendons-nous, on l'écarte, il porte le chapeau de tout, et nous on serait parti, la fête, ça recommence. On serait parti pour 50 ans. Regardez comment la chute de Ben Ali, regardez où ça a mis la Tunisie. Junior, regardez la Tunisie aujourd'hui. Les Tunisiens pleurent Ben Ali. Ils pleurent Ben Ali, les Tunisiens pleurent Ben Ali. Mais à l'époque, oh c'est lui et ses femmes, ils ont volé, machin. Ils ont fait des bêtises, ça c'est clair. Mais aujourd'hui, qui parle encore de Ben Ali? Regardez le pays. Regardez le pays. Ils ont fait des bêtises comme les Balkans. Les gens font des bêtises. Mais les Tunisiens, quand... Attends, est-ce qu'il y a un débat aujourd'hui entre les performances du régime Ben Ali, malgré cet art? Et c'est comme moi, je dis. Non. Ils sont obligés de ramener le nouveau président là. Il est obligé d'être à main de fer pour mettre l'ordre. Il dit que mais c'est trop. Il a tout dissous, tout. Le Parlement, le gouvernement. Tout. Il y a eu transition, il y a eu des élections les plus démocratiques du monde, tout le monde a applaudi et tout, mais ça a installé en Tunisie un chaos total. Total. Les anciens barons sont revenus d'une manière cachée, d'autres sont marchés. Pire, même l'opposition qui baladait tous les jours, Eneda, avec Galouti, qui étaient les moralistes hors pair, qui, une fois au pouvoir. Regardez la Tunisie. Donc l'enjeu, il est là. Donc, derrière le phénomène des microbes, ce n'est pas seulement une affaire que les gens ont des matières, ils font le bruit. Non, il y a un enjeu majeur qu'il y a derrière, qui est la succession du président de la République du Cameroun, qui est la stabilité du pays. Du pays. Quand la principale ville d'un pays, on laisse cette ville-là dans les mains de mafias. Le poumon économique. Le poumon économique. Et qui, à un moment donné, peuvent se permettre de tels tests. C'est très inquiétant. Ça a été bien d'envoyer les forces spéciales, mais après, il faut pas, c'est pas une affaire ponctuelle. Il faut revoir comment dire ça, la gouvernance de la vie de Douala à toutes ses dimensions. Et ça, c'est le que, comme Bertrand l'a dit, d'autres l'ont dit, que le TFL ne se répète plus, ne se répète plus à jamais. À jamais. Afrique Média. Le monde, c'est nous.